Dès le départ de cette deuxième partie, on revient à Vasa Prioda qui nous joue cette fois-ci du Pablo de Sarasate avec Die Kölner Weisen, un enregistrement de 1927. Donc Pablo de Sarasate avec comme nom complet Pablo Martin Meliton de Sarasate y Navasquez, un nom à rallonge pour un violoniste et compositeur espagnol qui est né le 18 mars 1844 à Pamplune et mort le 20 septembre 1908 à Biarritz, donc un des violonistes virtuoses les plus célèbres de son époque. Il était fils d'un chef de fanfare militaire et s'est produit pour la première fois en public à l'âge de 8 ans. Il étudia d'abord à Madrid, puis au Conservatoire de Paris dans la classe de Joseph Massard, où il remporte des premiers prix de violon et de solfège en 1857 et d'harmonie en 1859. Dès 1859, il se produisit en tournée dans toute l'Europe, aussi bien que dans les deux Amériques du Nord et l'Amérique du Sud. Il a acquis un Stradivarius en 1866, avec lequel il a parfait sa technique sans faille et sa grâce. Et Sarasate a fait don à sa ville natale des multiples présents qu'il a reçus de ses nombreux admirateurs. Alors Sarasate est aussi le dédicataire d'un certain nombre d'œuvres, dont la, par exemple la Symphonie espagnole d'Édouard Lalo, le Concerto pour violon numéro 3 et l'introduction et le Rondo Capriccioso plus 28 de Camille Saint-Saëns, la Fantaisie écossaise de Max Bruch, le second concerto de Henryk Wieniawski. Les propres compositions de Sarasate sont principalement des morceaux destinés à mettre en valeur sa virtuosité. Donc la plus connue de ses œuvres est probablement Die Kölner Weisen qu'il a composé en 1878. C'est le morceau qu'on va écouter qui est pour violon et orchestre. Bon là par contre on n'aura que du piano en accompagnement. Et donc 5 ans plus tard, en 1883, il a composé un autre morceau pour violon et orchestre, Carmen Fantasy, qui reprenait des thèmes utilisés dans l'opéra Carmen de Georges Bizet. Avec les licences libres, on aurait justement le droit de faire ce genre de choses. Le droit d'auteur classique maintenant ne le permet plus aussi facilement. Il a réalisé également des arrangements pour violon de diverses œuvres d'autres compositeurs. Donc dans les premières années du XXe siècle, il a participé également à quelques enregistrements, donc un disque gramophone avec l'Ange Graveur, donc c'est la marque de fabrique de Berliner qui a inventé le disque phonographique. Il contient deux enregistrements de Sarasate, donc Miramar Zortico opus 48 sur une face et Tarentelle, donc l'opus 43 sur l'autre face. Mais néanmoins ceux-là je ne les ai pas, je pourrais pas vous les faire écouter. Il se peut qu'un de ces jours je retrouve un enregistrement comme ça, je ne me priverai pas à ce moment-là Donc ce sont deux solos de violon exécutés par l'auteur et c'est précisé sur l'étiquette du disque. Il avait également enregistré Zigeunerweisen, Capriccioso Rota, Habanera, Zapateado, Nocturne, Prélude. Et voilà, donc c'est le peintre. Il y a aussi le peintre américain James McNeill Whistler qui a réalisé un portrait de Sarrasate intitulé Arrangement in Black Pablo de Sarrasate en 1884. Et dans la nouvelle La Ligue des Rouquins, The League of Reds de Conan Royles, écrite en 1891, Sherlock Holmes et le docteur Watson assistaient à un concert de Sarrasate. Alors La Ligue des Rouquins, c'est grosso modo, d'ailleurs le début est assez marrant, c'est un bonhomme qui vient trouver Sherlock Holmes parce qu'on lui avait demandé de recopier une encyclopédie tous les jours afin d'améliorer la race des roues pour en fait donc il devait recopier afin de faire sa connaissance etc. Et donc il allait dans un endroit où il y avait la Red League. Bon, moi j'ai lu le truc en anglais, donc version française, je sais pas comment que c'est écrit précisément. Et puis tout à coup un matin quand il est arrivé, paf, The League of Red has been closed. Enfin, la Ligue des Rouquins a été fermée. Il avait simplement cet écriteau, du jour au lendemain, sans être prévenu. Quelque chose qui ça faisait assez ridicule, juste après tout. C'était assez ridicule, après tout le récit qu'il avait fait de son aventure. Bon, je ne vous raconterai pas la fin. Au cas où vous voudriez lire ce Sherlock Holmes, d'ailleurs à lire en anglais. En anglais, il ne dit jamais. C'est quoi à nouveau la phrase en français là, qui est le fait du traducteur en fait élémentaire, mon cher Watson. Il n'a jamais dit ça. Par contre, il dit tout le temps "It's a simplicity itself." Donc voilà, ce Zigeunerweisen de Pablo de Sarrasate, joué par Vassapriöda en 1927. Thank you. Le 26 septembre, c'est-à-dire samedi qui vient, là, la journée des cultures libres se tiendra à Pessac. Donc la première licence libre a été créée en 1985 sur un fondement éthique et citoyen. Maintenant, des millions d'auteurs, artistes, programmeurs, photographes, musiciens, réalisateurs libèrent leurs créations grâce aux licences libres et tous envisagent la culture autrement. Donc Taro Oshiai et le cinéma Jean Eustache qui présente cette journée des cultures libres qui aura lieu le samedi le 26 septembre. Donc au cinéma Jean Eustache, place de la 5e République à Pessac, terminus tramway ligne B, renseignements au 05 56 46 39 39. Alors également info@desculturelibres.info. Le lieu, c'est le hall du cinéma, l'entrée est gratuite et tous les détails sont sur http://blogdesculturelibres.info. Toute la journée, il y aura des vidéos libres. Donc sur l'écran plasma de l'entrée du ciné, on pourra regarder une compilation vidéo de courts-métrages et d'autres clips libres. On pourra venir avec une clé USB et faire le plein de libres, donc logiciels, livres, vidéos et bien sûr de la musique. La compile audio JDSCL, donc un florilège audio du meilleur de la musique libre, compilé aux petits oignons par l'artiste libre Alt F4. Donc il y aura un stand et une vitrine de vente. Donc vous pourrez découvrir des produits de musique libre, des albums, des CD, des vinyles, des fanzines, des produits dérivés. Trois structures libres et trois manières différentes de promouvoir le libre. Tenia Solium, Pragmasic et Dogmasic. Il y aura également l'association Mamboko na Mamboko à l'initiative de l'opération de solidarité en route vers la République centrafricaine où des solutions libres ont été utilisées pour la mise en place d'une salle informatique dans une école centrafricaine. Un petit fascicule papier gratuit sera à votre disposition pour recueillir des témoignages et des réflexions. Donc, il y aura des contributions écrites de personnalités liées au livre, ainsi que des témoignages d'acteurs locaux. Benjamin Bayard, qui est le président de la FDN et donc un fournisseur associatif d'accès Internet depuis 1992. Un texte à propos de Internet libre ou Minitel 2.0, Roland Wagner, qui est écrivain de science-fiction, donc une mini-fiction écrite exprès pour ce recueil, Nina Paley, qui est réalisatrice du film d'animation libre Sita chante le blues, donc il faut comprendre les contenus libres, Jean Perratou, commissaire des rencontres mondiales du logiciel libre 2010 à Bordeaux, et acteur du logiciel libre à Bordeaux et à Pessac. Et il y aura Jean-François Niefnecker, commissaire des rencontres mondiales du logiciel libre 2010, Philippe Frémont, qui est responsable informatique à la mairie de Pessac, donc un témoignage sur la mise en place de solutions libres dans les services de la mairie, Benoît Roudot, qui est responsable de l'espace infomédia de la médiathèque Jacques Ellul de Pessac, Mehdi Ferhat, animateur à Pessac Animation, est responsable de la station Point Cib, espace d'animation multimédia du quartier de l'Alouette, Biture Extrême, qui est cofondateur de l'association bordelaise Musique Libre et du site internet Dogmazic, Dana Ilio, artiste libre, donc Free Music Philosophy, 15 ans après, Dominique Godon, artiste libre, Patrick Rico, artiste libre à propos d'un article trouvé sur Freenet, et Tenia Solium, un label de musique libre militant. Alors, de 10h à 16h, atelier logiciel libre, donc qui permet de découvrir et d'essayer des logiciels libres destinés au grand public et ouverts à tous, et débutants de tous âges, et ceux qui souhaitent aussi de sortir de Windows, de Mac, et en passant par ceux qui se posent des questions sur l'intérêt des logiciels libres. Donc, un atelier découverte pour tester les logiciels libres de son choix, traitement texte, tableur, navigation internet, messagerie électronique, dessin vectoriel, mise en page, retouche photo. Install Party, donc on vient avec un ordinateur sous le bras, un ordinateur PC ou portable ou tout, pas besoin d'apporter un écran, une souris et un clavier. On repart avec un système libre complet ou une suite logicielle correspondant aux besoins. On précise quand même qu'il faut avoir effectué au préalable la sauvegarde des données importantes et que, étant donné la complexité des machines et des configurations, certaines installations risquent d'être longues. Il est donc recommandé de venir tôt. Des jeux vidéo également, ça existe en libre. Alors, on aura de 10h à 15h30 un atelier de musique libre. Donc, l'atelier de la musique libre, c'est ce qu'on fait passer dans cette émission. C'est la musique que l'artiste libre diffuse sous licence libre. Elle est en téléchargement gratuit et légal. Mais c'est bien plus que de la musique gratuite. C'est aussi la création, la collaboration, la coopération créative. La musique libre, c'est donner le code source de sa musique, c'est donner de sa créativité. C'est-à-dire qu'on peut se réapproprier l'idée pour en faire une nouvelle musique, par exemple, on peut sampler, c'est une des possibilités. Et n'oubliez pas aussi, tous ceux qui veulent apporter un instrument de musique acoustique seront les bienvenus. Donc, selon les participants et le nombre, selon les genres aussi, l'atelier pourra prendre différentes formes ou tendances. Donc, atelier d'écriture, interprétation, atelier d'improvisation dirigé, atelier MAO, enregistrement stéréo, enregistrement piste par piste. Mais attention, ce ne sera jamais un bœuf. Ça ne doit pas non plus être un assemblage d'ego où chacun va essayer de placer son truc bien égoïstement pour un résultat bancal. Il faut faire en sorte de créer collectivement des morceaux de musique qui fassent dire à ceux qui l'écouteront: mais c'est trop cool cette musique! Voilà, et puis bon, il y a différentes choses. Il y aura également de 16h à 19h des débats et des mini-concerts. Là, je passe plus vite. À 21h30, ciné-concert. Avec Synopsis, Nina Paley, Sarita Manouche. Et c'est déjà pas mal. Charita Manouche qui a également d'ailleurs sa page sur Dogmazic. On retourne tout de suite à la musique domaine public, mais qui à sa façon aussi est libre, puisqu'on peut également la réutiliser. C'est d'ailleurs pour ça que je la fais passer dans cette émission. Et il s'agit de Rota Navara, de encore une fois Pablo de Sarasate, et encore une fois interprété par Vassa Prioda. J'ai perdu de vue ma page. L'enregistrement, ben, il n'y a pas de date pour cet enregistrement, on ne sait pas. Bon, ben, c'est une œuvre en tout cas du domaine public, étant donné le support, et on entend et aussi justement que cet enregistrement ne date pas d'aujourd'hui. Concerto turc, donc le concerto à rondo à la turque, donc il y a une a été aussi pas mal réutilisé, donc une des œuvres les plus célèbres de Max Reger, donc les variations sur un thème de Mozart utilise le thème du premier mouvement. Le musicien de jazz Dave Brubeck a donné à l'une de ses compositions influencées par la Turquie un titre évoquant cette sonate, le Blue Rondo à la turque. Ce rythme, le Blue Rondo à la turque d'ailleurs est sur trois temps. Alors que le Rondo à la turque de Mozart est sur deux temps. Boris Vian utilise également un des thèmes dans la chanson Mozart avec nous. Il y a le compositeur turc Fazil Say qui a composé une fantasy jazz sur le thème de la marche turque. Et le musicien bolivien Navia Dalens qui l'a interprété avec son instrument au charango. Là, par contre, c'est au violon que celui-ci va être interprété par Vasa Prioda. Donc, Rota Navara, la marche turque, voilà. Donc à l'instant, le troisième mouvement de la sonate pour piano numéro 11 de Mozart, adapté au violon par joué par Vasa Prioda, et qui est surnommé évidemment la marche turque. On reste encore sur Vasa Prioda, cette fois-ci c'est du Rimski-Korsakov avec le chant hindou. Donc Rimski-Korsakov qui... je vais voir si éventuellement j'aurai quelque chose sur ce chant hindou. Je ne trouve pas de lien pour l'instant. Bon, on va tenter comme ça. Chant hindou. Là, ça risque pas. Chant hindou. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça sans faire de... Non, mais il y a rien de particulier sur Wikipédia à ce sujet. Donc, Rimski-Korsakov, j'avais déjà aussi un petit peu traversé ça à toute vitesse. Donc, on va tout simplement écouter parce qu'on est là pour écouter de la musique. L'enregistrement date de 1929. chant hindou de Nikolaï Rimsky-Korsakov par Vassa Prioda en 1929. Et qu'est-ce qu'on... Oula, et si je tape dans les micros, ça le fera pas. Qu'est-ce qu'on a encore de prévu dans les choses, les concerts, bon, ça attendra un petit peu. On fera ça dans la troisième partie. On continue à faire passer de la musique avec cette fois-ci toujours de Vassa Prioda. Enfin, Vassa Prioda au violon, mais c'est du Handel. Le Largo, œuvre qui appartient aussi au domaine public. Là, c'est pareil, il n'y a pas de date d'enregistrement indiquée, hein, c'est pas systématique sur les disques, et puis c'est pas forcément évident à retrouver. Donc, le Largo de Handel par Vassa Prioda en enregistrement 78 tours. Eh ben, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie, elle aussi, est sous licence art libre comme la première. Et les enregistrements sonores, les musiques qui sont passées, en revanche, appartiennent au domaine public. On va donc changer, passer à la troisième partie. Et là, j'ai nouveau, ça fonctionne de nouveau plus comme je veux. Et décidément temps que je change de système d'exploitation. Et donc on entend en fond sonore normalement, bah ça y est, elle a bien voulu, Acid and New Year, le générique de l'émission qui est lui aussi sous licence art libre et qui a été composé exprès par Dodécaèdre. Et donc, c'est un enregistrement qui est candidat à être trituré, mélangé et resservi par tous les amateurs du bidouillage sonore. Ceux qui veulent recycler à l'infini les génériques déjà existants, et puis alors à mixer avec du contenu libre exclusivement. On ne prendra pas, par exemple, on n'acceptera pas s'il y a un sample des Simpsons, ou du Dalida, ou je ne sais trop quoi comme ça. Il faut que ça reste libre, évidemment. Donc ce générique s'appelle Acid New Year, ANY, et c'est de Dodécaèdre pour comme générique qui est sous licence art libre pour le direct live from the Hellsass. It is nothing serious. It is nothing serious. It is nothing serious.